Nouvelles et seules véritables aventures de Tom Pouce par P.J. Stahl. À mes chers enfants, Marie et Jules, chers enfants, je vous ai dédié à Paris les trois premières éditions de ce petit livre, écrit pour vous dans des temps meilleurs. Je vous dirai plus tard pourquoi je vous adresse celle-ci, la quatrième, de Bruxelles et non plus de Paris. Agréez-en l'hommage, mes chers petits, comme la marque de mon souvenir fidèle. La vue de ce petit volume vous fera bien comprendre un jour que, si votre père, chers enfants bien-aimés, a été séparé de vous depuis le 2 décembre 1851, cette séparation n'a pas été volontaire. P.J. Stahl. Bruxelles, 25 mars 1852. Les éditions de ce petit livre, le premier que j'ai écrit en vue du jeune âge, ne se comptent plus. J'avais laissé à chacune d'elles cette préface, je n'y changerai rien encore aujourd'hui. Je n'effacerai pas de ma main le nom de l'enfant que je n'ai plus, qui n'est plus là, mais qui vit toujours dans mon cœur. St. 18 juillet 1878. Prologue. Jules faisait un bruit d'enfer. Il voulait absolument faire d'Octave son cheval. Octave s'y refusait. « J'aime mieux jouer à la diligence, s'écriait-il, et que tu sois le cheval. » Grande bataille. La petite Marie, assise dans un fauteuil, lisait, à rebours, un volume des contes de fées et bavardait avec le petit chaperon rouge. Marguerite, son amie, offrait un bonbon à sa poupée. Valentine jouait toute seule, mais tout haut, à la madame. Anna sautait et chantait. Le petit Jean-Paul soufflait dans une trompette. « Taisez-vous, taisez-vous !» s'écria leur grand-maman, poussée à bout, « où je sonne votre bonne, et dans un quart d'heure, vous serez tous au lit. » Grand silence. Jules s'essuie le front, Octave respire, Marie se contente de parler par signe, la poupée ayant refusé le bonbon, Marguerite le mange. Valentine réfléchit, Anna se couche sur le tapis, le petit Jean-Paul s'arrête tout court, et Octave, s'approchant alors de sa grand-maman, « Grand-maman, dit-il, si tu veux nous raconter une belle histoire, je suis sûr que nous serons tous bien sages. »« Oui, oui !» s'écria toute la bande, « bien sages !»« Je le veux bien, » dit la bonne mère avec résignation. Et voici ce qu'elle leur raconta, non sans l'avoir fait précéder toutefois de l'indispensable préambule qu'on met en tête de tous les contes. Mes enfants, c'est encore, à l'heure qu'il est, une grande question de savoir s'il y avait véritablement autrefois des fées, des enchanteurs et des génies. Il paraît à peu près certain qu'il n'y en avait pas, et que toutes les belles choses qu'on en a dites ont été inventées pour amuser des enfants comme vous. Mais ce qui ne fait pas de doute, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Aussi, la mode des fées a-t-elle un peu passé, et au lieu de ces jolis contes qu'on vous contait si bien, ne vous fait-on plus guère que de vilaines histoires qu'on vous conte assez mal et qui vous ennuient très fort. Pour moi, qui suis presque aussi vieille et aussi passée que les fées, j'aime les fées et leurs histoires merveilleuses. Je les trouve parfaites pour les petits-enfants comme vous, et plus faciles à comprendre, et plus utiles à entendre, n'en déplaise à quelques jeunes dames, pour lesquelles Perrault, Mesdames d'Aulnoy, le prince de Beaumont et autres ont eu tort d'exister probablement, que toutes les dangereuses réalités qu'on vous débite. Vous êtes si petit que je n'entreprendrai point de vous parler comme si vous étiez grand. Mon lot est de vous amuser, en exerçant votre imagination au profit de votre cœur. Il sera toujours bien assez temps de s'adresser à votre raison quand vous serez en âge d'en avoir. Il ne faut pas demander des fruits à un jeune arbre, mais bien des fleurs seulement. Je suis trop vieille pour tomber dans une erreur comme celle-là. Aussi, est-ce tout bonnement un conte de fées, les nouvelles et seules véritables aventures de Tom Pouce, que je vais vous raconter. L'histoire de ce héros nous est venue jadis d'Angleterre, mais tellement défigurée et si injurieuse pour lui, et d'un si fâcheux exemple, que j'ai cru devoir la refaire à peu près tout entière pour votre usage, mes chers enfants, et sur les documents les plus authentiques. Vous n'apprendrez pas dans ce petit livre, j'en ai bien peur, tout ce que vous aurez à savoir un jour, mais vous y rencontrerez à l'occasion quelques-unes de ces leçons dont, entre nous soit dit, vous avez bien besoin quelquefois, mes chers petits. Nouvelles et seules véritables aventures de Tom Pouce. 1. Où il est question des parents de Tom Pouce. Il était une fois, sous le règne du roi Arthur, une brave femme qui était très charitable et qui avait d'autant plus de mérite à l'être qu'elle était pauvre. Pour toute fortune, elle possédait un champ qui n'était guère grand et une vache. Mais son mari, qui était un brave homme, comme elle était une brave femme, remuait si bien le champ et le labourait avec tant d'ardeur, et d'un autre côté, le lait de la vache était toujours si bon qu'ils vivaient contents ou à peu près dans leur petite demeure. J'ai dit à peu près parce qu'il leur manquait en effet, comme à bien d'autres, quelque chose pour être heureux tout à fait. « Pour qui travaillons-nous » se disait-il, « et à qui reviendra notre cabane ? Qui est-ce qui labourera notre champ quand nous serons vieux ?» s'écriait quelquefois le mari. « Qui est-ce qui portera à la ville le lait de la vache ?» disait la femme à son tour. « Il nous faudrait un enfant » s'écriaient-ils tous deux. « Et comme il est toujours bon d'espérer, attendons » reprenait-il, « et espérons. » 2. L'enchanteur. Un matin, dès l'aurore, l'enchanteur Merlin, c'était alors le beau temps des enchanteurs, un matin, dis-je, l'enchanteur Merlin, voulant sans doute mettre à l'épreuve la bonté de ces braves gens, s'en vint, déguisé en mendiant, frapper à leur porte et y demander l'aumône. La pauvre femme, qui était seule parce que son mari était déjà dans le champ, le fit entrer pour qu'il pût se reposer, et lui donna pour se refaire tout ce qu'elle possédait, c'est-à-dire du pain noir et du lait. Mais elle le fit de si bonne grâce, et la nappe sur laquelle tout cela était servi était si blanche, que le grand Merlin assura qu'il n'avait de sa vie fait un meilleur repas. Et pour la récompenser, il se fit connaître d'elle, promettant de lui accorder tout ce qu'elle pourrait souhaiter. « Monsieur l'enchanteur, dit la bonne femme tout émue, j'ai un bon mari, j'ai un champ ensemencé, j'ai aussi une vache et la cabane où vous êtes, mais je n'ai point d'enfant. Ah, si j'avais un enfant, dit-elle, et elle ajouta en pleurant, oui, un enfant ferait notre bonheur. Ne fût-il pas plus grand que mon doigt ? Mon Dieu, oui, dit le mari qui était revenu sur ses entrefaites. Cette demande réjouit fort le grand Merlin, qui, ayant bien regardé, sans en avoir l'air, le doigt de la pauvre femme, la quitta en lui disant qu'il ne fallait désespérer de rien et avec l'idée de la satisfaire. 3. La reine des fées. Mais, comme le pouvoir des enchanteurs n'allait pas jusqu'à créer, Merlin résolut de se faire aider, dans cette circonstance, par la reine des fées. S'étant donc mise en route à travers les airs, il se rendit chez elle et lui exposa, avec les compliments d'usage, les motifs de sa visite. La reine des fées, qui était naturellement très obligeante, ne se fit pas prier. « Quoique, dit-elle, il fût aussi difficile en matière de création de créer un petit enfant qu'un gros. » Et dans l'année, la pauvre paysanne eut un fils, mais si petit que, quand on l'eut mesuré, on trouva qu'il n'était pas plus grand en tout que le pouce de son père. « Bah, bah, disait le père aux voisins émerveillés, il grandira. » Le nouveau-né du reste était si gentil et si bien pris dans sa petite taille que les connaisseuses étaient obligées d'avouer que c'était une perfection. Il était aussi tellement vif et si remuant qu'on avait toutes les peines du monde à le contenir dans sa couchette qui avait été faite dans le premier moment dans le sabot neuf au fond duquel on avait mis un peu d'ouate bien douce et bien chaude pour qu'il pût y dormir tout à son aise. 4. Pourquoi Tom Pouce s'appelait Tom Pouce ? Il fallut lui donner un nom. Pour ne pas laisser son œuvre imparfaite, la reine des fées voulut être sa marraine. Elle vola donc vers la cabane où reposait son nouveau protégé et le nomma de son premier nom, Tommy, dont on fit Tom par abréviation, et du second, Pouce, en raison de la petitesse de sa taille et en mémoire du souhait de sa mère. Après l'avoir nommé, elle le doua de tous les dons précieux qui faisaient que les enfants nés au temps des fées n'avaient qu'à le vouloir pour être des enfants accomplis. Malheureusement, alors comme aujourd'hui, il ne le voulait pas toujours. Pendant la cérémonie, d'autres fées sur son ordre lui préparèrent une toilette appropriée à sa taille. La chose fut bientôt faite. Pour chemise, il eut, on l'assure du moins, une toile d'araignée et pour habit les deux ailes d'un brillant scarabée qui consentit à s'en défaire quand il sut à qui on les destinait. On découpa ses culottes dans une cosse de pois, ses bas dans la pelure d'une pomme. Ses souliers furent faits avec une peau de souris tannée, le poil en dedans. Pour coiffure, enfin, d'une feuille de chêne, on lui arrangea une jolie casquette qui lui allait à ravir. Et par-dessus tout cela, on lui passa une petite jaquette que sa marraine lui avait fait filer par le plus habile de ses vers à soie. Le reste de son trousseau se composait de deux jolies cravates qui étaient si délicates qu'elles auraient passé à travers le trou d'une aiguille, de 4 mouchoirs brodés à tous les coins et d'un ravissant petit bonnet de coton. La reine des fées lui fit en outre des cadeaux magnifiques qu'elle tira d'une cassette que son nain avait toujours sous le bras. Et en cela, toute reine des fées qu'elle était, j'oserais dire qu'elle pouvait bien avoir tort, car elle risquait de donner à Tommy, qui était pauvre, le goût des richesses, goût dangereux quand on n'a rien pour les satisfaire. Toujours est-il qu'elle lui donna, pour remplacer le sabot dans lequel elle l'avait trouvé couché, un berceau fait avec la coquille d'un œuf qui provenait de cette poule qui ne pondait que des œufs d'or. Les rideaux étaient tissus de fils de soie entremêlés de fils d'argent et parsemés d'étoiles de diamants qui dessinaient, en caractères lisibles, l'histoire de tous les enfants célèbres depuis le commencement du monde. Des mises et des berceuses étaient occupées du soir au matin et du matin au soir à bercer le petit pouce. Et des colibris perchés sur le baldaquin faisaient entendre pour l'endormir des chansons dont voici à peu près le sens. « Do, do, l'enfant do, l'enfant dormira tantôt. » Mais celle-ci avait beau bercer et cela avait beau chanter, le petit homme, que toutes ces cérémonies impatientaient, ne dormait guère dans son riche berceau. Et ce qui prouva bien qu'il devait être un jour un garçon de sens, c'est qu'il semblait préférer le sabot dans lequel on l'avait mis avant l'arrivée de la fée et sa marraine, et qu'il ne s'endormait guère que quand on l'y couchait. Il s'ensuivit que petit à petit le beau berceau fut relégué dans une armoire où il resta comme une curiosité. Quant aux berceuses, voyant qu'elles n'avaient plus rien à bercer, elles s'en allèrent. Et quant aux colibris, ils disparurent à la grande satisfaction du père et de la mère de Tommy, dont les goûts simples s'accommodaient mal de ces colifichets. Ce fut donc dans ce sabot que Tom grandit, ou plutôt qu'il ne grandit pas. Mais si sa taille resta la même, son intelligence fut si précoce que ses parents ne souhaitèrent jamais qu'il fût plus grand. Sa mère guida ses premiers pas, et elle le fit avec tant d'habileté que bientôt Tom put marcher tout seul et qu'il n'usa pas beaucoup de lisière.